Mariano. Ouais. T'as pas remarqué, tu peux pas nous tester. On est trop fort, on est trop armé. T'inquiète mec, nous on sait chanter. Tu peux viser autant que tu veux. On n'est pas des peureux, sérieux. On te prend quand tu veux. Nathan, Juliano sur la place. On est que deux, y'a pas plus de place. Eh ouais, t'as pas de bol. Toi avec ta coupe à la bol. On dirait Robocop. Ouais, ouais. Pas de pitié mec. Dans la vie y'a pas de pitié. J'sais pas si t'as remarqué. Personne n'est épargné. Nathan, Juliano, nouveau son 2009. Pas de pitié mec. Ouais. Bienvenue dans la cité où t'apprends à manier le pistolet. À agresser mais pas à violer. Y'a pas de pitié, nous on sait pas rigoler. Si tu cherches à tester, tu seras visé, tiré en plein front. Alors arrête de nous prendre pour des bouffons. Ou tu seras repéré, tu vas le regretter. Une fois qu'on t'aura clashé, tu vas te mettre à saigner. Ouais, ouais, Nathan. Ouais, ouais. Alors toujours pas calmé, il t'en faut, on t'en fait du bien et du parfait. Ben compliqué sous le rythme, et mets-toi à chanter pendant le refrain, n'aie pas le frein, laisse-toi aller. Ouais, ouais. Dans la vie y'a pas de pitié, pas de quartier. Alors fais comme nous ou tu vas te faire défoncer. Dans la jeunesse ils se mettent à fumer et frapper. Bah ben ouais, pas de pitié, c'est Nathan. Juliano, nouveau son 2009, on t'a répété, y'a pas de pitié. Ouais, ouais, ouais, Nathan, ouais. Bienvenue dans la cité, on t'apprend à manier le pistolet, à agresser, mais pas à violer. Y'a pas de pitié, nous on sait pas rigoler. Si tu cherches à tester, tu seras visé et tiré en plein front. Alors arrête de nous prendre pour des bouffons. Tu seras repéré, tu vas regretter. Une fois qu'on t'aura clashé, tu vas te mettre à saigner. Juliano, mec. Ouais. Nathan, Juliano, pas de